Chante comme s'il fallait tout recommencer. Hallucinogène, je suis une chanson hallucinogène. Chanson hallucinogène, je suis une chanson hallucinogène. Sacre, on est en dessous de la moyenne. Chanson hallucinogène, je suis une chanson hallucinogène. Chanson hallucinogène, je suis une chanson hallucinogène. Sacre, on est en dessous de la moyenne. Chanson j'attends l'acclimatation.